Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans télévision, 53% des Canadiens regardent la télé en ligne. Si je comprends bien, ça veut dire que le reste du Canada regarde la télé en cercle assis par terre. Dans le segment X et X, les utilisateurs de Facebook vivraient plus longtemps. Avoir Facebook en ce lendemain d'élection américaine, je souhaite mourir jeune. Et dans Merci Science, les voyages dans l'espace font mal au dos. On Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui a mal au dos, je pense qu'il va s'asseoir. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 7 novembre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science et le segment geek CX. Pour commencer l'émission, comme toujours, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait vient de Venom, un habitué de l'émission. Le voici avec Wake Up. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou, 89 FM. Au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est Television Television. C'est Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Alors, on commence avec une bonne nouvelle pour les web-séries québécoises de Blue Moon 2 qui est millionnaire. En ligne seulement depuis le 19 octobre sur le club Illico, Blue Moon 2 a généré plus d'un million de visionnements, un record pour la plateforme de Vidéotron. La plume de Luc Dionne et la réalisation d'Yves-Christian Fournier séduisent donc toujours. L'attendue deuxième aventure, composée de 10 épisodes, n'a eu besoin que de 5 jours pour franchir le cap des 500 000 visionnements. Éric Bruno, Patrice Godin et Caroline Davernas ne sont que quelques-unes des têtes d'affiche de la série. Portée par Karine Vanasse qui prête ses traits à Justine Laurier, experte en explosifs, et l'arrivée d'un nouveau personnage, l'activiste Thylaine Monceau, joué par Émile Procloutier, l'aventure Blue Moon aura droit à une troisième saison. Le tournage devrait s'amorcer au printemps prochain, ce qui laissera le temps à Karine Vanasse de reprendre son entraînement physique intensif. Entre-temps, il est possible de regarder d'un souffle les 20 épisodes des deux productions de Blue Moon grâce à Club Illico. Et ensuite... toujours au Québec, en fait, on va au Canada, mais on reste quand même au Québec. Là. Michel Bissonnette qui a été nommé vice-président de Radio-Canada. Un nouveau vice-président principal s'installera bientôt dans la grande tour de Radio-Canada. Après avoir cofondé la compagnie de production Zone 3, Michel Bissonnette a accepté de combler le départ à la retraite de Louis Lalande. L'homme qualifie de ce changement de carrière comme un défi professionnel et personnel de gros calibre. Il a d'ailleurs déjà établi une liste de priorités qui viennent avec son poste. Bien conscient de la différence entre un diffuseur public comme Radio-Canada et un diffuseur privé, il a travaillé au département de communication et de création publicitaire à TVA pendant 3 ans. Michel Bissonnette sait que l'offre doit plaire à beaucoup de gens. C'est un chasseur de tête qui a approché Michel Bissonnette pour ce poste. Ce dernier a demandé quelques jours de réflexion avant de manifester son intérêt. À 49 ans, il croit fortement que le moment est venu pour lui de plonger, d'autant que ce type de défi ne se présente pas souvent. L'entrée en fonction de Michel Bissonnette à Radio-Canada se fera le 9 janvier prochain, mais son départ de Zone 3, qui assure-t-il n'a rien à voir avec des considérations financières, a eu lieu récemment afin d'éviter toute situation délicate. Car la compagnie produit entre autres l'émission Infoman qui est sur Radio-Canada. Voilà. Ensuite, c'est un article qui date du 2 novembre. Ouais. Ensuite, 53% des Canadiens regardent la télé en ligne. J'en parlais en ouverture d'émission. Selon le rapport de surveillance des communications 2016 du CRTC, c'est drôle de nom, hein, la surveillance des communications, ça fait un peu SPVM, Patrick Lagacé et autres. Mais les habitudes de visionnement et d'écoute des Canadiens transforment l'industrie de la radiodiffusion. Le rapport du CRTC révèle la consommation de contenu radio, de télévision et de plateformes numériques dévoile... la phrase est drôlement faite. Le rapport du CRTC révèle... blablabla, dévoile que... que les Canadiens consomment de plus en plus de contenu en ligne, tout particulièrement chez les jeunes générations. Je cite, « Le rapport de cette année démontre clairement que les habitudes de visionnement et d'écoute continuent de changer », souligne Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant du CRTC. « Les plus jeunes Canadiens consomment le moins de contenu audiovisuel par les moyens traditionnels. Les plateformes en ligne sont de plus en plus attrayantes et accessibles pour les Canadiens. » Selon le CRTC, les Canadiens écoutent la radio en moyenne 16,2 heures par semaine en 2015 contre 16,5 heures en 2014. C'est une baisse de 1,8%. Cette moyenne est beaucoup plus basse lorsqu'on s'attarde aux 12-24 ans. Les Canadiens de 12 à 17 ans écoutent la radio en moyenne 5,8 heures par semaine et ceux de 17-24 ans 10,6 heures. Les Canadiens qui écoutent le plus la radio sont ceux de 50 ans et plus. Ils l'allument en moyenne 18,9 heures par semaine. À la télé maintenant, en 2015, les Canadiens ont regardé la télé traditionnelle en moyenne 27,2 heures par semaine. Je me rappelle en avoir parlé un petit peu la semaine passée. C'est une baisse de 0,7% par rapport à 2014 où les Canadiens regardaient en moyenne 27,4 heures de télévision par semaine. On parle ici en direct, par câble, par satellite et par télévision protocole Internet. Cette moyenne est encore plus basse chez les jeunes générations. Les 2 à 11 ans regardent en moyenne 21,4 heures de télé par semaine. Les 12-17 ans, 18,8 heures et les 18-34 ans, 19,7 heures. Les Canadiens de 65 ans et plus constitue la tranche démographique qui passe le plus de temps devant le téléviseur. Il le regarde en moyenne 42 heures par semaine. Ensuite, aux plateformes numériques, en 2015, il y a plus de téléphones cellulaires, 85,6% dans les ménages canadiens, que de téléphones fixes à 75,5%. Du côté du contenu audio, 23% des Canadiens affirment écouter la radio AM/FM en ligne, 55% écoutent de la musique par des vidéos en continu sur YouTube et 20% par des services en ligne de diffusion continue à la Spotify. Sur le plan télévisuel, 57% des Canadiens anglophones et 49% des francophones regardent la télévision en ligne contre respectivement 51% et 42% en 2014. L'industrie de la radiodiffusion doit répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens, dit toujours Jean-Pierre Blais, qui souhaite les Canadiens de plus en plus regarder et écouter du contenu sur la plateforme de leur choix. Ensuite, on va aux États-Unis. La série adaptée de Une femme exemplaire, The Good Wife, a maintenant un titre. Alors où cette nouvelle production entame son tournage à New York, CBS dévoile le titre que portera la série adaptée de The Good Wife. Ce sera The Good Fight. J'aime bien l'idée de garder un lien avec le mot « good » et l'article « de ». Un combat que mènera donc l'avocate Diane Lockhart, personnage déjà important dans la série qui s'est arrêtée en mai 2016. Pendant 7 ans, le public a ainsi pu suivre les aventures de cet associé principal du cabinet qui embauche Alicia Florrick, le personnage principal joué par Julianna Margulies. C'est désormais cette libérale aux idées politiques bien tranchées qui mènera la danse dans The Good Fight. L'avocate qui a toujours cherché à promouvoir le droit des femmes et l'égalité des sexes réalisera l'un de ses rêves, créer un cabinet 100% féminin. Après une escroquerie financière qui a détruit la réputation de sa protégée Maya et l'a personnellement ruinée, Diane Lockhart est contrainte de rejoindre le cabinet de Luca Quinn, un personnage apparu lors de la dernière saison de Une femme exemplaire. Christine Baranski reprend donc le rôle qu'elle tient depuis 2009 aux côtés de Kush Jumbo, de retour dans la peau de Luca Quinn. Kush Jumbo. Wow. La jeune Maya sera quant à elle incarnée par Rose Leslie, actrice aperçue dans Downton Abbey et Le Trône de Fer. Rien n'indique encore si Julianna Margulies rendra visite à son ancienne patronne. Je vais gager que oui. The Good Fight est attendu en février prochain sur CBS. The Simpsons a été renouvelé pour une 30e saison, la série animée donc qui revient pour une 29e et une 30e saison sur Fox, ce qui devrait permettre à cette institution de la pop culture américaine de s'attribuer les derniers records qui lui manquent encore. Le premier épisode des aventures de la famille Simpson, qui en est actuellement sa 28e saison, a été diffusé en décembre 1989. C'était l'émission spéciale de Noël de la saison 1. Homer, le père, employé, tire au flanc de la centrale nucléaire locale. Marge, la mère, à la voix rauque. Et les enfants Bart, Lisa et Maggie ont été immédiatement adoptés par les téléspectateurs. À ses débuts, la série réunissait régulièrement plus de 15 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 33 millions pour l'épisode le plus vu qui est Bart Gets an F, diffusé en octobre 90. Ces audiences ont décliné progressivement jusqu'à faire craindre pour l'avenir de la série diffusée sur une chaîne nationale gratuite avant un rebond cette saison. The Simpsons a été primé 32 fois aux Emmy Awards, les trophées de la télé américaine. La série a également été déclinée sous la forme de long métrage, évidemment en 2007, qui a rapporté 527 millions de dollars de recettes guichets dans le monde. Toujours en phase avec son époque et prompt à intégrer des références à l'actualité ou au code de la pop culture, The Simpsons détient déjà depuis longtemps le record de longévité pour une série animée ou non aux États-Unis. Elle avait déjà détrôné la série Western Gunsmoke pour le nombre de saisons, avec 20, et devrait bientôt lui prendre également le record du nombre d'épisodes, avec 669 au bout de la 30e saison contre 635. Au fil des années, une longue liste de vedettes ont prêté leur voix à des personnages, les représentant parfois eux-mêmes, comme Michael Jackson, Ringo Starr, Lady Gaga, Dustin Hoffman ou encore LeBron James. Justement, parlant des Simpsons, on en parlait un petit peu à Assemblage Requis. En fait, j'en parlais sur Facebook. Tu sais, des fois, la vie médiatique et la vie Internet deviennent floues. Mais les gens qui n'arrêtent pas de partager sur Internet en ce moment que les Simpsons avaient vu juste en 2000, il y a même un reportage de LCN là-dessus. Ça a été complètement débunké. C'est un hoax, comme on dit en anglais. Donc, les scénaristes de la série, les Simpsons, qui auraient été visionnaires en 2000, ben en fait, il y a une part de vérité. Dans l'épisode, les Simpsons, 30 ans plus tard, Lisa, qui est élue présidente, doit sortir les États-Unis de la crise économique auquel le pays fait face après un mandat de Donald Trump. Ça, c'est un vrai extrait qui vient vraiment de l'épisode, celui où ça dit « Comme vous pouvez le voir, nous avons hérité d'une crise budgétaire de la présidence de Trump. À quel point la situation est-elle mauvaise, secrétaire Van Houten? » Bon, ça, c'est le bout qui est complètement vrai. Complètement vrai. Donc ça, c'est vrai. Le truc à LCN, donc, devrait être vrai. Par contre, l'autre article que j'ai vu, hein, dans l'épisode... attends un petit peu, est-ce que ça le dit ici? Ouais. Je vais me corriger moi-même, en fait. Ce qu'on a vu sur Facebook, entre autres, et ce qui est faux, les deux articles que j'avais trouvés pour illustrer la chose sont complètement vrais. L'épisode Bart to the Future, justement, que VTL va rediffuser aujourd'hui même, mercredi à 17h. Si vous êtes en direct le 9 novembre, ça va jouer ce soir. Mais c'est l'épisode où il y a vraiment une minuscule mention de Trump. Mais ce qui circule sur Facebook, c'est celui où on voit Trump dans un escalator, un escalier roulant. Où il fait saluer à la foule et où on voit Homer Simpson derrière Trump. Et là qu'on dit que ça vient de 2000, en fait, c'est qu'il y a comme une confusion chez les gens par rapport à deux épisodes différents. Celui dont je viens de parler, Bart to the Future, qui est une réalité future dans l'épisode, n'est pas la même chose que cette capsule faite par Fox plus récemment. D'accord? Donc, en août 2015, une vidéo qui faisait la mention d'extrait des Simpsons qui n'arrêtait pas de diffuser sur Internet ce clip-là, qui disait de venir de 2000, ça, c'est faux. Donc, la vidéo vidéo en tant que telle est vraie, mais ça vient de plus récent que ça. Les images viennent d'une vidéo qui s'appelle Trumptastic Voyage, Voyage, qui a été postée sur la page YouTube Animation Domination le 7 juillet 2015, après que Trump ait déjà annoncé qu'il allait chercher la présidence ou la nomination républicaine pour 2016. La série animée, donc, comme je dis, qui faisait des capsules, qui en fait encore sur Internet, c'est de là que ça vient, les photos où on voit Trump dans la même position, devant les mêmes drapeaux, avec la même pancarte, et à la place de marquer, d'écrire « Make America Great Again », ça dit « America, you can be my ex-wife », ce qui est très drôle aussi. Bref, faut pas confondre les deux. En ce moment, il y a une grosse polémique par rapport à ça, mais je pense que j'en ai assez parlé. Ensuite, Sofia Vergara, qui va produire une série télé. La star de la série Modern Family, une famille moderne, Sofia Vergara se lance dans un nouveau projet d'après le site Deadline. En effet, l'actrice participe à la production de la série télé dramatique The Classic qui sera diffusée sur ABC. Ce drame, qui est inspiré d'un documentaire, se concentrera sur les rivalités entre deux équipes de football universitaire, rivalité qui poursuit plusieurs générations de familles. La série va être écrite donc par Todd E. Kessler, le scénariste de Une femme exemplaire, dont on parlait tantôt, et dirigée par Patricia Riggin, qui s'est illustrée dans la mise en scène de Under the Same Moon. Reste à savoir si Sofia Vergara va faire partie du casting et quand le tournage va commencer. Pour en revenir aux élections américaines, ouais, je suis pas resté loin de ça très très longtemps, mais j'ai trouvé ça drôle quand même. C'est Weather Channel qui promettait zéro couverture des élections et que des nuages, des arcs-en-ciel et la splendeur de l'automne pour hier le 8 novembre. C'est un miracle de la saison des élections, nous dit AdAge.com, avec un communiqué de presse qui vient avec fantastique. Allez le lire, le communiqué de presse. Ça dit, bon, je vais vous lire les extraits. Ce soir des élections, alors que les autres réseaux seront en mode couverture des élections, The Weather Channel ira encore plus haut, parce que ils vont dire que les réseaux étaient très très bas en parlant de Trump. Donc nous irons encore plus haut dans le ciel, nuages, arc-en-ciel, splendeur d'automne et oui, du jazz doux. Weather, donc Weather Network, Weather Channel, oui, aura un marathon de 9 heures de suite, garantissant la tranquillité pour votre âme. À partir de 15h, donc le 8 novembre, hier, le marathon avait plein de scènes calmantes de météo, de beaux paysages capturés sur vidéo. Donc, ça disait dans le communiqué de presse, alors allez voter les États-Unis et regardez les résultats des élections dans d'autres médias, parce que si vous voulez vous voulez prendre une pause des commentateurs, des prédictions fautives et de la politique, regardez Weather. Ça va être gigantesque. It's going to be huge, comme dit Donald Trump. Et finalement, on va sur Internet pour deux petites nouvelles. Un nouveau programme pour soutenir la production de séries web linéaires. La date limite pour présenter une demande de financement qui est le 17 janvier prochain. Le Fonds des médias du Canada lance un nouveau programme pilote pour soutenir la production de séries web canadiennes. Administré dans le cadre du volet expérimental du FMC et doté d'un budget de 2 millions de dollars, le programme pilote pour les séries web vise à satisfaire les besoins du marché en matière de contenu linéaire destiné à la consommation en ligne. Pour être admissible en vertu de ce programme, un projet doit être une série linéaire canadienne originale dans le genre dramatique ou émission pour enfants ou jeunes et jeunes. Le projet doit avoir été créé au départ pour le web et en être à sa deuxième saison ou plus. À l'avenir, le FMC évaluera la possibilité d'étendre le programme pour financer également des séries web dans d'autres genres. Les productions admissibles doivent avoir été créées au départ en vue de leur distribution en ligne sur des plateformes offertes aux auditoires canadiens, mais elles peuvent être exploitées par la suite sur d'autres plateformes, notamment la télé, soit dans leur format original ou par exploitation de droits dérivés. J'imagine donc que ça veut dire qu'il y a quelque chose comme Blue Moon pour être admissible à ça, parce que c'était pour le web en premier. Les projets admissibles seront soumis à un processus sélectif et évalués conformément à une grille d'évaluation qui contient des critères tels que l'intérêt du marché, l'équipe de production et les éléments créatifs. Le financement des projets admissibles prendra la forme d'un investissement récupérable. Les requérants dont les demandes ont été acceptées recevront un montant correspondant aux besoins du projet, jusqu'à concurrence de la contribution maximale de 60% des dépenses admissibles du projet ou 250 000 $ si ce dernier montant est inférieur. Beaucoup de règles, hein, bureaucratiques. La date limite pour présenter une demande, comme je disais, de financement en vertu du programme est le 17 janvier prochain. Et pour terminer, Netflix s'attaque au blocage publicitaire. Pour promouvoir la série Black Mirror, qui traite des dérives technologiques, Netflix dévoile une campagne s'adressant directement aux utilisateurs d'applications de blocage publicitaire. L'offensive consiste en des bannières web qui jouent sur le côté dystopique de la technologie telle que présentée dans Black Mirror. Ainsi, les bannières utilisent une signature volontairement intrigante. Je cite « Bonjour, utilisateur de service de blocage publicitaire. Vous ne pouvez pas avoir cette publicité, mais cette publicité vous voit. Que se cache-t-il de l'autre côté du miroir noir? » Et lorsqu'on clique dessus, ces bannières renvoient directement au site de Netflix où il est possible de visionner la série mise en vedette. J'imagine que s'il y avait eu possibilité de hacker, peut-être pas de hacker, mais d'activer votre webcam, ça aurait été encore plus épeurant de vous voir vous-même dans votre bannière web. Selon Mashable, ses publicités ne sont visibles que par les utilisateurs d'outils de blocage publicitaire, pas par les utilisateurs réguliers qui, eux, voient toutes les publicités. D'ailleurs, Mashable précise qu'il est difficile de savoir si ces bannières ont été placées avec des achats médias traditionnels ou par le nouveau programme publicitaire de AdBlock Plus, qui annonçait en septembre dernier l'ouverture d'un programme de publicité acceptable, entre guillemets. Les annonceurs peuvent désormais faire du placement publicitaire à même AdBlock Plus. C'est pour ça que je conseille vraiment pas l'utilisation de AdBlock Plus. Choisissez n'importe quoi d'autre que ça. AdBlock, tout court. Il y a NetGuard, il y en a un paquet d'autres. Bref, à ce sujet, Mashable indique que Netflix n'a pas retourné leur appel lorsque questionné sur la plateforme publicitaire choisie pour accueillir ses bannières web. L'article vient de InfoPresse. Voilà, c'est tout pour Television Television. Juste à temps pour aller entendre du chiptune. On s'en va entendre une pièce de... Oui, Dan Wilkins. Son surnom est Wilkie G. Voici Mixolydian Dreams. Mixolydian Dreams. Le gars de la misère à prononcer. MPS, le match des plans de show sur C'est fou. Thank you. L'équipe Google Brain, une branche de Google travaillant sur le développement des réseaux de neurones artificiels et de... C'est plein de choses. Et avant la pause, c'était Mixolydian Dreams par Welkie G. Ouais, c'est-tu gossant pareil quand ils te mettent à te parler, quand ils te mettent à te parler de Google, je sais pas trop quoi, avec un accent français par-dessus la chanson, je sais que c'est plate, mais c'est le même. Les articles, des fois, de certains sites qui font ça. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec le vin rouge. Un remède contre le syndrome des ovaires polykystiques, peut-être. Le resvératrol présent en petite quantité dans le vin rouge, mais aussi les raisins et les noix, pourraient aider les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques. La molécule limite les taux d'hormones androgènes, comme la testostérone, et a un effet préventif contre les troubles métaboliques. Le resvératrol est un polyphénol naturellement présent dans le vin rouge, le raisin, les noix, le chocolat, les cacahuètes, les baies, et il est connu pour ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et cardioprotecteurs. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego l'ont testé chez 30 femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques dans des expériences décrites dans le journal Journal of Endocrine Society. Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie fréquente qui conduit à des problèmes d'infertilité chez de nombreuses femmes. Elle est liée à une production anormalement élevée d'hormones mâles, androgènes comme la testostérone. Le syndrome des ovaires polykystiques favorise la prise de poids, l'aménorrhée qui est l'absence de règles, l'acné, l'hirsutisme, qui est la pilosité anormale chez la femme, ça veut dire qu'elle a bien les poils, mais aussi le diabète, les traitements avec des anti-androgènes hein, et des pilules contraceptives peuvent diminuer ces symptômes, mais ils ne sont prescrits que chez les femmes qui ne souhaitent pas de grossesse. Dans cet essai clinique randomisé, donc au hasard, en double aveugle, ça veut dire que ni le médecin ni la personne qui subit le test sait qu'est-ce qui est quoi, hein. Les chercheurs ont testé les effets du resvératrol sur une période de 3 mois. Les patientes devaient prendre soit 1,5 g de resvératrol par jour, soit un placebo, soit l'autre. Le traitement au resvératrol a conduit à une diminution significative des androgènes comme la testostérone à moins 23,1%, mais aussi la SDHEA moins 22,2%. SDHEA, c'est un précurseur de la testostérone. Le niveau d'insuline à jeun a diminué de 31,8%, tandis que la sensibilité à l'insuline a augmenté, ce qui signifie que le resvératrol avait un effet protecteur contre le diabète. Le vin rouge, ne contenant que de l'ordre de 2 mg de resvératrol par litre en moyenne, les quantités utilisées ici sont bien plus élevées que ce qu'on peut attendre d'une consommation modérée de vin. Alors, dans le fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, on passe du vin aux épinards. Hein? Quel accord mais et bouffe? Mais et bouffe. Non. Mais et breuvage, alcool? Bref, la détection des explosifs améliorée grâce à des épinards bioniques. Essaye pas d'improviser, Mathieu Plante. Les épinards remplaceront-ils bientôt les chiens comme renifleurs de bombes? Et vous savez que quand un grand titre demande une question, pose une question, ça veut dire que la réponse est non. Mais c'est en tout cas ce que promet une étude menée par des chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology. En dopant des feuilles d'épinards aux nanotubes de carbone, ils ont créé une plante bionique capable de détecter des explosifs. Les épinards sont sans doute parmi les super aliments les plus connus. Tout le monde on le sait, ils sont excellents pour la santé, nous dit Futura Science. Bientôt, les épinards pourront peut-être même nous sauver la vie, grâce à l'une des premières applications de la nanobionique végétale. Les chercheurs américains du MIT sont en effet parvenus à incorporer des nanotubes de carbone à des feuilles d'épinards, de quoi leur permettre de détecter des explosifs et de transmettre l'information à un téléphone intelligent. Rappelons que l'objectif de la nanobionique végétale est d'introduire dans une plante des nanoparticules qui lui ajouteront des fonctions qu'elle ne présente pas naturellement. Il y a 2 ans, l'équipe du MIT avait déjà imaginé une plante nanobionique dont les capacités de photosynthèse étaient décuplées. Parlant d'une observation basique, les chercheurs ont travaillé sur une idée nouvelle. Je cite, « Les végétaux sont particulièrement intéressants lorsqu'il s'agit de surveiller l'environnement, car ils sont en communication étroite et permanente avec celui-ci. Grâce à leur réseau racinaire et à leur capacité à charrier les eaux souterraines du sol jusqu'à leurs feuilles, ils constituent de bons candidats analystes chimiques. » explique Michael Strano, professeur d'ingénierie chimique au MIT. Ici donc, les épinards 2.0 ont été spécialement imaginés pour détecter des composés nitro-aromatiques tels ceux qu'on retrouve traditionnellement au cœur des mines et dans la plupart des explosifs. Les chercheurs du MIT espèrent pouvoir étendre leur capacité de détection à des polluants ou à des précurseurs de conditions climatiques particulières comme la sécheresse. Ils ont en effet déjà développé des nanotubes de carbone capables de détecter notamment du gaz sarin. Ici, les chercheurs du MIT ont utilisé la technique dite de l'infusion vasculaire, l'application d'une solution de nanoparticules pour incorporer les nanotubes de carbone aux feuilles. Les composés nitro-aromatiques ont dès lors un pouvoir étonnant sur ces épinards. Lorsque ces plantes absorbent naturellement des eaux souterraines contaminées, les molécules cibles se fixent à des polymères qui entourent les nanotubes de carbone. Ceux-ci, sous l'effet d'une lumière laser, rendent alors les feuilles des épinards fluorescentes dans le domaine du proche infrarouge. Le proche infrarouge... Est-ce que la définition veut bien popper? Non? Non? Pas de pop-up? D'habitude, il y a toujours un pop-up? Non? Enregistré par une caméra appropriée, ce signal peut être transmis sans fil à un smartphone distant, le tout en moins de 10 minutes. Ce type de capteur pourrait également renseigner les botanistes sur le fonctionnement interne des plantes, leur permettre de surveiller mieux leur santé ou d'optimiser les processus de synthèse de composés rares, comme ceux que produit la pervenche de Madagascar et qui sont utilisés pour la fabrication de médicaments contre le cancer. La détection des explosifs est un sujet propice aux recherches scientifiques. En 2005, Amy Rose et ses collègues du MIT avaient présenté dans la revue Nature un nouveau système de détection des matériaux explosifs fondé sur un polymère de semi-conducteurs organiques. Le polymère de semi-conducteurs organiques est un type de composé qui émet un rayonnement sous forme d'excitons lorsqu'il est excité par une lumière laser ultraviolette. Or, les dérivés polynitrés des cycles aromatiques comme le TNT ou le DNT sont déficients en électrons. Ils sont donc attirés vers le SOP riche en électrons, SOP le semi-conducteur organique, avec qui ils interagissent, provoquant un arrêt de l'émission d'énergie mesurable par des capteurs. En déterminant les variations d'émission d'énergie du polymère, les chercheurs sont ainsi parvenus à détecter des concentrations de DNT et de TNT jusqu'à respectivement 100 et 5 parties par milliard. La technique totalement réversible ne requiert qu'une intensité 10 fois inférieure à celle des dispositifs antérieurs avec polymère fluorescent pour une sensibilité 30 fois supérieure et présente aussi moins de risques de dommages optiques pour les éléments organiques. Elle semble par ailleurs suffisamment spécifique pour envisager une application pratique puisqu'aucune interférence ou réponse positive n'a été observée pour d'autres molécules aromatiques comme le benzène ou le naphtalène. Les précédents systèmes mis au point par l'équipe ont été commercialisés par la société Nomadix de l'Oklahoma. Quel texte compliqué. Le cannabis améliorait peut-être la vision nocturne. Il y a 25 ans, un pharmacologue avait observé en Jamaïque que les pêcheurs qui fumaient du cannabis avaient la capacité de voir dans le noir. On sait désormais pourquoi, c'est que le cannabis rend les cellules de la rétine plus sensibles à la lumière. Donc, en 1991, un chercheur, West, avait observé des pêcheurs jamaïcains capables de diriger leur bateau dans des récifs coralliens dangereux malgré l'obscurité nocturne. Or, ceux-ci fumaient du cannabis. J'aime le fait que le mot « or » a une définition sur le site de Futura Santé. Le mot « or » comme dans, par contre... En tout cas, l'or, là, des métaux les plus célèbres, c'est incroyable. Ceux-ci fumaient donc du cannabis ou en ingéraient sous une autre forme. Cette observation avait été confirmée en 2002 avec une petite étude qui a testé l'effet du cannabis et de sa substance psychoactive, le THC, sur la vision de nuit. Un volontaire a eu du THC et trois autres du cannabis. Les mesures ont montré que le cannabis ou le THC améliorait la vision nocturne. Ici, une recherche parue dans eLife révèle les mécanismes cellulaires de ce phénomène. L'étude a porté sur un organisme modèle, le crapaud Xenopus levis. Au niveau cellulaire, chez les vertébrés, le cannabis se fixe sur un récepteur appelé le CB1, qui est plus présent dans la rétine que dans le cortex visuel. C'est pourquoi on peut penser que les effets du cannabis sont dus à son action sur les cellules de la rétine. Dans une première expérience, les chercheurs de l'Université McGill à Montréal ont appliqué un cannabinoïde synthétique à des préparations de tissu de l'œil du crapaud. Avec des micro-électrodes, ils ont mesuré la réaction des cellules rétiniennes à la lumière et ils ont trouvé que le cannabinoïde rendait les cellules plus sensibles grâce à l'inhibition d'une protéine, la NKCC1. Comme les crapauds ont tendance à éviter les points sombres qui se déplacent, les chercheurs ont exploité ce comportement dans une autre expérience. Dans l'obscurité, ils ont observé qu'ils évitaient plus les points s'ils avaient eu du cannabinoïde, ce qui confirme que la sensibilité à la faible luminosité était améliorée. Ces résultats pourraient permettre des applications pour des patients souffrant de maladies de l'œil, comme le glaucome. Traitée par cryothérapie, elle devient championne du monde de plongée sous la glace. Oui, lorsqu'elle se glisse sous la glace, Johanna Nordblad n'a que sa combinaison de néoprène, son masque et sa monopalme. Sans bouteille ni filet de sécurité, cette championne du monde se promène simplement. Sa passion du froid lui est venue à cause de cruelles blessures traitées par la cryothérapie. Étonnante image donc dans un film réalisé par le Britannique Ian Derry sur le ou comment on l'appelle en français Yann produit laitier sur la spécialité de Johanna Nordblad, une Finlandaise devenue championne de plongée en apnée sous la glace. En 2015, en parcourant 50 mètres, elle décroche le record du monde de la discipline. La passion et la force qui l'animent lui viennent d'un accident. Une chute en VTT lui a causé de multiples fractures dans une jambe qui ont failli lui valoir une amputation. Les chirurgiens, expliquaient dans cette vidéo diffusée par Nowness, l'ont laissé 10 jours avec une fracture ouverte pour éviter la nécrose des tissus. Pendant ça, elle a subi un traitement par cryothérapie à l'eau glacée. L'effet est une diminution des douleurs, mais aussi une amélioration de la cicatrisation. Connue depuis longtemps et aujourd'hui à la mode chez les sportifs, la technique a une certaine efficacité sur les inflammations ou les lésions, selon des mécanismes mal compris. Comme elle en témoigne, l'exercice est pénible, mais elle finit par s'y habituer. Et ce bienfait du froid a donné à cette Finlandaise l'envie de plonger sous la glace des lacs à la surface gelée. Elle descend sans aucun matériel, simplement revêtue d'une combinaison non étanche, d'une monopalme et d'un masque. La plongée sous la glace en apnée est une discipline exigeante. Je cite, il faut être maître de l'espace et du temps et avoir confiance en soi. L'erreur n'est pas permise. Sous la glace, il n'y a que l'obscurité et le froid et ce n'est pas une exploration. Il n'y a rien d'autre à découvrir que soi-même. On va dans l'espace après être allé sous l'eau. Les voyages dans l'espace font mal au dos. Après un long voyage dans l'espace, les astronautes souffrent souvent de problèmes de dos à cause d'une atrophie des muscles de la colonne vertébrale, un désagrément qui prendrait des proportions plus graves lors d'une expédition sur Mars. Les longs voyages dans l'espace ont un impact sur la colonne vertébrale. Ainsi, ils font généralement grandir les astronautes de quelques centimètres car la colonne, qui n'est plus compressée par le poids du corps, se redresse. Ce gain de taille se perd ensuite après le retour sur Terre. Mais ces longs séjours dans la microgravité laissent aussi des problèmes de dos aux voyageurs de l'espace. 70% des astronautes souffrent lors de leur premier jour dans l'espace et la moitié... Colin! 70% des astronautes souffrent lors de leur premier jour dans l'espace et la moitié auraient des douleurs importantes à leur retour. Pour Alan Hargins, un des auteurs de l'étude, chez certains astronautes, la douleur est très sévère et dure toute la mission. Pour d'autres, elle n'est que de quelques jours. Le risque de hernie discale des astronautes est aussi 4 fois plus élevé que dans le reste de la population. Pour mieux comprendre ce phénomène, une étude de la NASA parue dans Spine, c'est le nom d'une revue, Spine comme dans colonne vertébrale, a suivi l'évolution des muscles paravertébraux et des disques intervertébraux de 6 astronautes au cours d'une mission dans la Station spatiale internationale. Les muscles paravertébraux connectent les vertèbres, dirigent le mouvement et aident au soutien de la colonne vertébrale. Les 6 astronautes de la NASA ont passé des IRM avant et après un séjour de 4 à 7 mois dans l'ISS. Les chercheurs ont évalué la surface des muscles paravertébraux en section transversale et mis en évidence une atrophie de ces muscles après le vol dans l'espace. 1 ou 2 mois plus tard, les astronautes avaient récupéré les 2/3 des surfaces musculaires perdues. La récupération n'était donc pas complète après le retour sur Terre. Quand les muscles paravertébraux situés autour de la colonne ne servent pas au soutien du corps et que les astronautes flottent dans l'espace, ces muscles s'atrophient. Ces travaux montrent donc que les problèmes de dos des astronautes sont liés à la perte de ces petits muscles. Bien connaître ce phénomène permettrait de trouver des moyens pour limiter les douleurs lombaires lors des missions spatiales, notamment sur Mars. Car ces nouveaux résultats donnent aussi une mauvaise image de l'état dans lequel les astronautes arriveraient sur la planète Mars s'ils doivent endurer un mal de dos important. Pour Lewis Dartnell, un chercheur en astrobiologie qui s'exprime dans The Guardian sur la Lune, aller sur la Lune, c'est pas The Guardian sur la Lune, là. C'est pas un nouveau magazine. Donc, comme il s'exprime dans The Guardian, aller sur la Lune, c'est comme un séjour de week-end prolongé. Vous êtes bien pour prendre des photos de vos empreintes et planter des drapeaux, mais si vous allez sur Mars, vous risquez fort de tomber de l'échelle en descendant du vaisseau spatial, ce qui peut être fatal. Si vous vous cassez une hanche sur Mars, en fait, vous êtes mort. Wow. On parle d'auteurs de talent dans ces différents sites-là, mais j'ai de la misère à les lire aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais en sauter quelques-uns parce que je pense que ce serait mieux de finir bientôt. Allons-y avec des réseaux. Non. Ouais, je vais finir avec ça, tiens, avec une vidéo qui va partir toute seule. C'est ça, comme toujours. Ah. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, San Diego, est parvenue à produire les premières images en couleur issues d'un microscope électronique. Un microscope électronique peut agrandir un sujet d'observation jusqu'à 10 millions de fois, permettant aux scientifiques de se plonger dans les profondeurs d'une cellule ou bien dans la complexité d'un œil de mouche. Sauf que jusqu'alors, ils ne pouvaient le faire qu'en noir et blanc. Mais grâce à une avancée technologique en développement depuis plus de 15 ans, il est possible d'adjoindre la couleur à un tel grossissement. C'est en employant trois métaux rares appelés les lanthanides que l'on arrive à ce résultat pour recréer les couleurs de façon artificielle. Pour l'instant, seulement trois couleurs sont disponibles, à savoir le rouge, le vert et le jaune. Et même avec si peu de couleurs, des contrastes saisissants peuvent être recréés, impossible à reproduire avec du noir et blanc. Et les scientifiques de pouvoir rajouter trois ou quatre couleurs. J'imagine les scientifiques souhaitent pouvoir rajouter 3 à 4 couleurs afin d'améliorer la résolution des images. Ah, les sources sont tellement fiables, mais maudit qu'ils écrivent mal. C'est tout pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Essayez de vous en sortir mieux que moi lorsque vous lirez vos articles. Alors, on va entendre une pièce de Cilio, une autre habitude d'émission. Une fois de temps en temps, c'est le fun d'écouter des valeurs sûres. Voici la pièce Out of Here. Tout de suite au Mathieu Plante Show. Sur ces fous. We'll be right back. Mary Lee avec Mad Toon, précédé de Out of Here par Silly au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est le segment geek Silix. Silix, c'est la chronique technologique, informatique et vidéoludique. Et bien sûr, dans le Mathieu Plante Show, Silix pour tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons par un matériau composite qui pourrait transformer un drone en voiture. Un fil très rigide à température ambiante qui, une fois chauffé, devient aussi mou qu'un spaghetti plongé dans de l'eau bouillante. C'est grâce à ce nouveau type de matériau composite que les chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le PFL en Suisse, espèrent pouvoir transformer un drone en voiture robotique. Des scientifiques de l'École donc Polytechnique Fédérale de Lausanne ont imaginé et mis au point un nouveau type de fil composite étirable jusqu'à 4 fois sa longueur et dont la rigidité varie en fonction de la température. Le secret de ce fil aux propriétés étonnantes, il est tout simplement composé d'un alliage métallique conducteur encapsulé dans un tube de silicone. Porter une température dépassant les 62 degrés Celsius grâce à l'application d'une tension électrique de faible voltage, le cœur métallique fond et le fil se ramollit. Lorsque sa température redescend en dessous de 62 degrés Celsius, l'alliage se solidifie et le fil retrouve une rigidité 700 fois supérieure à celle qu'il affichait à peine 10 secondes plus tôt. Parce qu'il est extrêmement simple à fabriquer et à exploiter et qu'il se présente sous la forme d'un fil, ce nouveau matériau pourrait servir bien des applications. Ainsi, les chercheurs de l'EPFL estiment qu'il pourrait permettre de transformer les drones en voitures robotiques, car les moteurs pouvant ainsi être utilisés aussi bien comme des hélices que comme des roues en fonction d'une position qui pourrait être ajustée grâce à leur fil composite à rigidité variable. Mais les chercheurs de l'EPFL imaginent aussi pouvoir utiliser pour tisser des plâtres de nouvelle génération ou encore pour concevoir un matériau robotique capable d'imiter des fonctions complexes de tissus biologiques. Intéressant, hein? Parlons de drones, on a mentionné le mot drone tantôt, même si ça avait plus ou moins un rapport. Icarus, qui est le boîtier qui peut pirater n'importe quel drone en plein vol. Un chercheur spécialisé en sécurité informatique a mis au point un boîtier capable d'intercepter la liaison entre un drone et sa télécommande radio pour permettre d'en prendre le contrôle en vol. La faille logicielle qui est exploitée concerne un protocole de communication très répandu sur les jouets radiocommandés. Jonathan Anderson a peut-être inventé la solution imparable pour lutter contre les survols de drones indésirables. Ce spécialiste qui travaille pour l'éditeur de solutions de sécurité Trend Micro a mis au point un système baptisé Icarus qui est capable de prendre la main sur toutes sortes d'appareils pilotés par une télécommande radio. Donc que ce soit avion, hélicoptère, bateau et donc des drones. Mais c'est drôle comment on met drone dans le titre parce que ça attire des clics, c'est drôle. Hein? Contrairement au brouillard de fréquence qui force les drones à atterrir, Icarus permet à l'utilisateur de contrôler l'engin à l'aide d'une télécommande. Le dispositif se présente sous la forme de boîtiers fabriqués à partir de composants électroniques du commerce et de logiciels qui ciblent le protocole radio DSMX, qui est de 2,4 GHz large bande. Très utilisé par les jouets radiocommandés. Icarus est capable d'intercepter les données secrètes que l'appareil et la télécommande échangent pour s'associer. Ces informations sont soit extraites directement du protocole ou bien déchiffrées par une attaque de type force brute. Icarus exploite une seconde faille grâce à laquelle les paquets de données pour la prise de contrôle ont la priorité sur ceux de la télécommande d'origine. Comme on peut l'observer dans une petite vidéo sur YouTube, une fois le détournement opérationnel, seule la télécommande associée au boîtier de piratage est active. Depuis, l'opération peut alors être réalisée, alors que l'appareil est en plein vol. La multiplication des drones grand public commence à poser de plus en plus de problèmes en matière de respect de la vie privée. Un peu partout dans le monde, des réglementations tendent d'encadrer le phénomène sans toutefois parvenir à éviter les dérives. Aux États-Unis, on rapporte des cas de particuliers n'hésitant pas à tirer au fusil sur les drones. Quelle surprise! Au pays de Donald Trump, donc tirer au pays sur des drones survolant leur propriété privée. Dans le Dakota du Nord, un policier a fait usage d'une arme à feu pour abattre un drone lors d'une manifestation contre la construction d'un oléoduc à laquelle s'opposent les Indiens Sioux de la réserve de Standing Rock. De nombreuses solutions techniques sont à l'étude afin de pouvoir mettre un drone hors service sans en arriver à de telles extrémités. Il peut notamment s'agir d'utiliser un brouilleur de fréquence, ce qu'on appelle un jammer en anglais, ce qu'on pourrait appeler un confiturier en français, ou bien d'envoyer un autre drone muni d'un filet pour le capturer. Aux Pays-Bas, la police a même testé avec succès le recours à un aigle pour capturer les drones. La solution Icarus présente l'avantage de pouvoir contrôler l'engin sans risquer de l'endommager ou de blesser quelqu'un en provoquant son crash. Revers de la médaille, ce dispositif pourrait aussi faire le bonheur de personnes mal intentionnées. On parle d'énergie solaire maintenant. Elon Musk qui va vendre les toits photovoltaïques. Avec des tuiles photovoltaïques, le toit solaire de SolarCity et une nouvelle génération de batteries domestiques Powerwall 2, Elon Musk, le fondateur de Tesla, veut proposer un toit solaire capable de rendre une maison autonome en énergie. L'homme qui veut coloniser Mars a le sens du spectacle. Pour présenter un toit solaire, Elon Musk a choisi les studios de Universal à Los Angeles, en Californie, et plus précisément Wisteria Lane, le décor représentant une rue d'une petite ville américaine qui a servi à plusieurs tournages, dont ceux de Beauté désespérée. Desperate Housewives. L'innovation est de fabriquer des panneaux photovoltaïques faisant office de tuiles de formes variées. Recouvertes de quartz, elles seraient très solides et inusables, explique-t-il dans une conférence de presse. Tout le toit d'une maison devient ainsi producteur d'électricité sans nuire à l'esthétique, car les panneaux solaires doivent suivre l'évolution des voitures électriques qui longtemps ressemblaient à des voiturettes de golf et qui sont devenues belles, sous-entendu comme les modèles de la Tesla, l'entreprise dont il est président. D'ailleurs, la conférence de presse était aussi destinée à ses actionnaires qui devront bientôt valider la fusion de la société avec SolarCity, qui a créé ses tuiles photovoltaïques. Elle reste pour l'instant déficitaire et la fusion serait surtout une acquisition de Tesla. Techniquement, le rapprochement a du sens, comme l'avait déjà expliqué la firme de Elon Musk. C'est Futura Science qui nous dit ça ici. Les tuiles de SolarCity ne produisant de l'électricité que durant le jour, il faut la stocker pour l'utiliser une fois le soleil couché. Or, Tesla présente par la même occasion la version 2 de sa batterie domestique Powerwall. D'après Elon Musk, ce nouveau modèle serait capable de stocker les énergie produite par le toit de SolarCity installé sur une maison particulière. Le rendement d'une telle toiture photovoltaïque n'est pas indiqué, ni la quantité d'électricité qu'elle est capable de produire. La batterie Powerwall 2, vendue à $5,500 américains, a, d'après Tesla, une capacité de 13,5 kWh et peut alimenter une installation électrique avec une puissance de 5 kWh et de 7 kWh en pic. Un foyer pourrait donc largement s'éclairer, faire fonctionner des appareils électriques et même peut-être recharger sa Tesla Model S, X ou 3. La présentation n'insiste pas sur le coût de l'électricité ainsi produite, mais sur les bénéfices environnementaux et la réduction des émissions de CO2, alors que la teneur dans l'atmosphère, a rappelé Elon Musk dans la conférence de presse, vient de dépasser les 400 ppm à l'échelle planétaire. Ensuite, l'Australie commence à implanter des micropuces à sa population. Les micropuces RFID sont une réalité. On en trouve dans certains de nos gadgets mobiles, mais aussi dans le corps de certains hommes et femmes. NBC News prédisait que tous les Américains en seraient équipés en 2017, mais les Australiens pourraient très bien les devancer. La puce RFID y devient un véritable phénomène de société. En 2010, CBS News annonçait la volonté du gouvernement australien d'implanter des puces RFID pour les métiers reliés au système de la santé. Ce projet commence à se mettre en place, non pas grâce à de quelconques réformes, mais via une campagne de propagande intelligente vantant la dite puce comme capable de nous rendre surhumains. News Corp Australia annonce clairement la couleur de son article. Je cite Les Australiens adoptent la technologie de la puce qui rend surhumain. Cela peut sembler à de la science-fiction, mais des centaines d'Australiens se transforment en surhommes capables de déverrouiller les portes, allumer les lumières et se connecter à des ordinateurs avec un seul geste de la main. Et de prendre l'exemple de Shanti Corporal, résident à Sydney, avec deux implants, un dans chaque main, la jeune femme se passe ainsi de cartes et de clés et espère pouvoir dire adieu à son porte-monnaie complet. Il semblerait que certains de ses proches lui envient son mode de vie. Sa grand-mère en veut une, dit-elle. J'ai été beaucoup plus critiquée pour mes tatouages que pour ma puce. Mes amis sont jaloux. Avec son mari Steve Stevens, ils ont créé le service de distribution Pucer ma vie. Contre 80 à 140 $ américains, les intéressés peuvent profiter de ce mode de vie. Allez voir une petite vidéo sur assemblagerequis.com. C'est particulier, là. C'est une puce pareille comme le NFC, mais le RFID. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, une octogénaire canadienne accusée de piratage. Ouais. Sans vouloir nourrir les préjugés, nous dit UberGizmo.com, le profil type du pirate n'est pas vraiment celui d'une grand-mère de 86 ans. C'est aussi ce que devait se dire Christine McMillan, octogénaire en Ontario, au Canada, lorsqu'elle a reçu... Oui, au Canada, c'est en Amérique du Nord, juste en haut des États-Unis. Lorsqu'elle a reçu un mail l'accusant d'avoir piraté le jeu Metro 2033 et lui demandant une amende de 5000 $ canadiens. McMillan s'est exprimée à ce propos dans Go Public. Selon elle, elle n'avait jamais même entendu ce nom de sa vie. Si c'est elle qui a été accusée, c'est parce que son adresse IP était impliquée dans le téléchargement. Une raison qui ne convient pas à des experts qui assurent que cette adresse aurait facilement pu être utilisée par un autre résident de son immeuble ayant accès à son réseau. Si McMillan reconnaît avoir un petit-fils adulte, elle assure qu'il n'a pas accès à son ordinateur. Cela dit, l'octogénaire n'est pas légalement obligé de payer cette amende qui fait plutôt office d'avertissement que de punition. Une pratique un peu limite et loin d'être isolée puisque plusieurs milliers de Canadiens ont possiblement déjà reçu ce genre de demande, leur proposant de payer les ayants droit plutôt que de laisser l'affaire même infondée aller en justice. J'ai reçu d'ailleurs un courriel de Belle récemment me disant que j'avais piraté un épisode de Saturday Night Live. J'enregistre sur mon enregistreur numérique depuis. Ça fait la même affaire, mais bon, c'est légal, hein? Pourrait y avoir aucune différence entre télécharger une émission sur BitTorrent et la regarder sur ton PVR et sauter les pubs, là, ça n'a aucun sens. Les utilisateurs de Facebook vivraient plus longtemps, parlant d'octogénaire. De manière générale, les personnes qui ont plus de liens sociaux vivent plus longtemps. Ce serait aussi vrai en ligne à condition de faire un usage modéré de Facebook et de conserver des relations sociales dans la vie réelle aussi. Avoir une vie sociale est plutôt favorable à la longévité, mais est-ce vraiment le cas en ligne? Voici la question posée dans une étude parue dans PNAS. Pour le savoir, des chercheurs des universités de Californie, San Diego et de Yale ont étudié l'activité en ligne des utilisateurs des réseaux sociaux. Les personnes étudiées étaient nées entre 1945 et 1989. D'après les résultats portant sur 12 millions d'utilisateurs de Facebook, l'utilisation du réseau social était associée à la longévité. Ceux qui utilisaient Facebook vivaient plus longtemps que ceux qui ne s'en servaient pas. Sur une année, l'utilisateur moyen de Facebook avait 12% de risque en moins de mortalité qu'un non-utilisateur. Cependant, ces différences pouvaient être liées au statut socio-économique des utilisateurs et non-utilisateurs de Facebook. L'étude montre une association et donc ne prouve pas de lien de cause à effet. Les chercheurs ont regardé le nombre d'amis, de photos, de mises à jour de statut, de messages et de posts. Ceux qui semblaient mieux intégrés socialement, c'est-à-dire ceux qui postaient plus de photos, suggérant plus d'interactions dans la vie réelle, avaient la meilleure longévité. Ceux qui acceptaient plus de demandes pour être amis sur Facebook vivaient également plus longtemps. Le réseau social devait donc servir à maintenir et à favoriser les liens sociaux de la vie réelle pour avoir un effet positif. D'après William Hobbs, principal auteur de l'article, qui s'exprime dans Medical Express, le fait d'interagir sur le net semble bon pour la santé lorsque l'activité en ligne reste modérée et qu'elle complète des interactions bien réelles. Mais si on passe beaucoup de temps en ligne sans qu'il y ait de preuves d'être connecté aux autres dans la vie réelle, l'association est négative. Ensuite, le Galaxy Note 7. Que vont devenir les millions de smartphones retirés de la vente? Que va faire donc Samsung des millions de Galaxy Note 7 invendus ou récupérés chez les clients? Greenpeace lance une pétition pour inciter la société sud-coréenne à recycler le maximum de matériaux, métaux et terres rares et réduire la pollution induite et le gâchis. L'ampleur de cette mise au rebut est en effet exceptionnelle et la question soulève le problème du recyclage des téléphones mobiles actuels, toutes marques confondues. Je cite « Demander à Samsung d'arrêter la destruction de 4,3 millions de téléphones Galaxy Note 7 ». C'est le libellé de la pétition lancée par Greenpeace. La demande est justifiée car cette masse de smartphones représenterait 730 tonnes de haute technologie, selon l'association. Dans cette montagne s'amoncellent des matériaux rares et des métaux polluants. Le problème est donc double, celui de la récupération et celui des rejets dans l'environnement. Que va en faire l'entreprise sud-coréenne qui a cessé la fabrication de ce modèle après une série d'explosions et rappelé plus d'un million d'appareils? Sollicité, elle a répondu que la question est à l'étude. Je cite, « Nous reconnaissons le problème causé par l'arrêt du Galaxy Note 7 et nous passons actuellement en revue les options possibles qui peuvent minimiser l'impact environnemental en complète observation des réglementations locales », a-t-elle expliqué dans un communiqué rapporté par l'agence Reuters le 3 novembre dernier. En 1995, l'entreprise avait détruit 150 000 téléphones et fax par le feu et devant 2 000 employés pour montrer l'exigence de qualité de la marque. Les composants de smartphones sont en effet difficilement recyclables et l'accident industriel de Samsung a le mérite de poser la question qui concerne tous les constructeurs. Le téléphone actuel contient une collection de matières premières qui peuvent être rares et polluantes, comme les métaux cadmium, cobalt, indium, nickel, plomb, zinc. Il embarque aussi des terres rares, c'est-à-dire 17 éléments chimiques qui présentent une série de propriétés intéressantes, notamment dans le domaine de l'électromagnétique. Vous pouvez aller voir le reste des détails sur les terres rares, entre autres, et sur le recyclage de téléphones, par exemple chez Apple, sur assemblagerequis.com. Je vais arrêter ici quelques instants. On va faire un deuxième bloc CNX dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute une pièce chiptune par Breeze Squad. Voici Before the World Goes Kaput sur l'album Monster qui sort le 23 septembre. Vous ferez le lien que vous voulez avec ça avant que le monde fasse soit kaput. MPS, le Mathieu Blanchot. C'est fou. Quand on le fait, Before the World Goes Kaput par Breeze Squad au Mathieu Plancheau. Maintenant, c'est la suite de CNX. On était en train de parler de nouvelles technologiques, informatiques et vidéoludiques. Allons-y avec les Google Glass pour apprendre le morse en seulement 4 heures. Si les Google Glass partent d'une bonne idée, il faut avouer que le monde et les technologies n'étaient pas encore prêts. Hein? On s'en rappelle que c'était retiré, ce qui aurait contraint la firme de Mountain View à enterrer le projet. Voilà. Ça ne veut pas pour autant dire que l'idée soit définitivement morte, loin de là, ni que les lunettes ne puissent se rendre très utiles. Apprendre un nouveau langage demande un certain temps et une méthodologie adaptée, nous dit Uber Gizmo. Les chercheurs du Georgia Institute of Technology, menés par Tad Starner, ont adapté une paire de Google Glass en lui intégrant notamment un haut-parleur et un transducteur pour la conduction osseuse. Ils ont ensuite fait jouer des volontaires à de petits jeux pour leur faire apprendre le morse. Le haut-parleur nommait une lettre et jouait le code morse associé. La moitié des participants avaient aussi la traduction du code tapé directement sur leur tête via la conduction osseuse. Et après seulement 4 heures, les chercheurs ont découvert que ceux-ci avaient juste à 94% oui quand ils écrivaient des phrases en morse et à 98% lorsqu'ils devaient retranscrire le code de chaque lettre. Ceux qui n'avaient que l'audio se contentaient d'un taux de réussite de 50%. Tout le monde ne voudra pas apprendre le morse ni n'en aura besoin d'ailleurs, mais cela prouve bien que les nouvelles technologies peuvent grandement simplifier l'apprentissage. Certes, ce n'est pas aussi impressionnant que le téléchargement directement dans le cerveau à la façon Matrix, mais c'est quand même très prometteur. Justement, parlant de messages subtils, comme dans votre cerveau à cause de la conduction osseuse, parlons de publicité qui vous espionne à coups d'ultrasons. L'imagination des publicitaires n'a pas de limite quand il s'agit de pister les consommateurs. La dernière technologie à la mode est basée sur l'émission de messages à ultrasons. Ils sont très discrets, mais aussi très décriés. Votre chien a-t-il parfois un comportement étrange quand vous surfez sur les sites web ou quand vous regardez certaines émissions télé? Peut-être faites-vous partie des quelques millions d'internautes victimes des trackers publicitaires aux ultrasons. Quand ils s'activent, ces mouchards d'un genre nouveau émettent un bref signal à haute fréquence, comprise généralement entre 18 et 20 kHz. C'est inaudible pour nous, mais pas forcément pour nos amis à quatre pattes, nous dit 01net.com. Le récepteur du signal n'est autre que votre smartphone, votre tablette ou votre second ordinateur sur lequel vous aurez préalablement installé, sans vraiment le savoir, une application qui va enregistrer la petite onde ultrasonore, également appelée un beacon, et l'interpréter. Le but de la manœuvre est simple, il s'agit de pister le consommateur à travers tous ses terminaux. Dans le jargon marketing, on appelle ça du cross-device tracking. Exemple, un internaute visionne une pub sur sa télé, celle-ci émet un petit son qui sera enregistré sur le smartphone. La prochaine fois qu'il ouvrira le navigateur du smartphone, surprise, il verra la même pub. Celle-ci, du coup, prendra plus de poids et sera donc facturée plus cher. Évidemment, les possibilités d'analyse de statistiques et de ciblage publicitaire sont immenses. Vous pouvez en savoir plus sur cette technologie-là chez Silver Push, entre autres, sur assemblagerequis.com. Ça me rappelle un peu, depuis quelques années, on peut voir un peu comme quand tu vas sur... Shazam, voilà, oui, Shazam, pour voir des affaires ou entendre des trucs, tu sais, ça se fait avec un lien quelconque, donc ça me fait penser à ça un petit peu. Parlons maintenant de Steam. Je suis tellement comme pas dedans aujourd'hui pour faire des liens. Steam exige des développeurs de véritables captures d'écran. Un changement de politique au sein de la boutique en ligne de Valve interdira désormais l'utilisation d'images trafiquées qui ne sont pas fidèles à l'expérience de jeu du produit final. Alors qu'elle prépare une importante mise à jour de sa plateforme surnommée Discovery Update 2.0, Steam a publié un message destiné à sa communauté de développeurs concernant les changements qui devront dorénavant être respectés. Indépendamment du contenu de votre jeu, je cite ici, « Assurez-vous que les images téléversées dans la section capture d'écran de la fiche de votre produit soient de réelles captures d'écran de votre jeu », a déclaré Valve à Eurogamer. Non, a déclaré Valve dans une note dont une copie a été acheminée à Eurogamer. Je cite, « Cela signifie éviter l'utilisation de concepts artistiques ». D'images tirées d'une cinématique précalculée, ça veut dire des montages faits par ordinateur qui ne sont pas des vrais vues dans le vrai jeu, ou d'images présentant des récompenses, du contenu promotionnel ou des descriptions par écrit du produit. T'sais, vous voyez des fois des images avec écrit du texte dessus. C'est pas ça qu'on veut dans les captures d'écran sur Steam. Montrer aux clients ce à quoi ressemble votre jeu lorsqu'on y joue. Voilà. Difficile de ne pas faire un rapprochement entre cette exigence de Steam et l'enquête portant sur le cas de No Man's Sky déclenchée en septembre dernier au Royaume-Uni. On rappelle que l'Advertising Standards Authority, l'organisme britannique responsable de l'intégrité de la publicité, se penche actuellement sur le cas de No Man's Sky après avoir reçu de multiples plaintes au sujet de la fiche du produit sur Steam, dont les images présentées sont perçues par les joueurs comme n'étant pas fidèles à l'expérience proposée par le produit final. Le ASA n'a toujours pas rendu de verdict à ce sujet. Steam aurait ainsi choisi par sa propre initiative d'imposer cette consigne aux développeurs exploitant sa boutique en ligne, possiblement dans le but d'éviter qu'une pareille situation se présente de nouveau. L'entreprise derrière Steam, qui est Valve, avoue d'ailleurs avoir mal agi à cet égard en soumettant l'un de ses propres jeux, Dota 2, comme exemple à ne pas suivre. Dota 2 est un exemple de ce que nous avons mal fait nous-mêmes. Nous sommes actuellement en processus de mise à jour de Dota 2 pour présenter des captures d'écran du jeu plutôt que des concepts artistiques. Le déploiement de Discovery Update 2.0, prévu dans quelques semaines au dire de Steam, apportera également des changements concernant les contenus explicites réservés à un public âgé de 17 ans ou plus. Pour chaque capture d'écran, les développeurs devront préciser si le matériel présent dans l'image convient à tous les âges en cochant la case appropriée. Surprise maintenant, si Nintendo a retenu une architecture SoC ARM pour gérer l'émulation de sa Nintendo Classic Mini. On se rappelle, la Nintendo Classic Mini, c'est la console rétro prévue pour le 10 novembre en Europe et aux États-Unis. En Amérique du Nord, c'est bientôt, en tout cas dans les prochains jours. C'est pas le 10, c'est peut-être le 11, mais en tout cas, c'est très bientôt. La puissance de la puce sélectionnée a un côté particulier d'être plus puissant que la 3DS. Donc, plusieurs médias ont visiblement commencé à recevoir leur version de la NES Classic Mini aux États-Unis, en Amérique du Nord. Cette NES passée au compacteur qui promet de faire un carton pour les fêtes en surfant sur la nostalgie des amateurs de rétro, comme moi, autant que les collectionneurs, comme moi aussi, pour des trucs comme ça. C'est le cas de GameSpot, oui, dont le journaliste Peter Brown s'est empressé d'ouvrir la boîte grise pour voir ce qu'il s'y cachait. La photo de la carte électronique et la carte mère présente dans la Nintendo Classic Mini est l'occasion pour lui de confirmer qu'a priori, sans sortir le fer à souder, il sera impossible de gonfler la liste des 30 jeux préchargés fournis avec la machine. Si on l'avait déjà déterminé, c'est des jeux intégrés. Cette photo est rapidement devenue sujette à d'autres discussions. La première concerne la taille du PCB qui est loin d'occuper totalement l'espace disponible dans la NES Classic Mini. Dès lors, beaucoup estiment que Nintendo aurait pu proposer un produit encore plus petit. Toutefois, j'imagine qu'ils ont fait des études là-dessus. Toutefois, deux explications à ce choix tiennent la corde. La première concerne le design du produit qui devait sans doute conserver des dimensions suffisantes pour rester sympathique d'un point de vue esthétique, autant qu'ergonomique. La seconde concerne l'existence au Japon d'une Famicom Classic Mini dont la forme plus allongée colle davantage avec le format de cette carte mère. L'idée, c'est que c'est la même carte mère dans le modèle japonais que dans le modèle américain, mais ils sont allés avec une apparence externe différente. Donc, ils ont utilisé la même carte mère dans les deux, mais aux États-Unis, c'est plus carré. Reste à voir si les deux consoles partagent effectivement les mêmes composantes. Là, évidemment, l'article date de la sortie en Amérique du Nord. L'autre débat lancé par la publication de cette photo concerne l'utilisation par Nintendo d'un SoC plutôt surpuissant par rapport à l'objectif de la machine qui consiste simplement à émuler des jeux NES d'une trentaine d'années pour la plupart. Il s'agit d'une puce ARM produite par Allwinner sous la référence R16 couplant 4 cœurs Cortex A7 à un circuit graphique Mali 400 MP2. Il est associé à 250 MB de DDR3 pour la mémoire et 512 MB de mémoire flash pour le stockage. C'est, comme s'en amusent certains sur NeoGAF, bien plus puissant qu'une 3DS. Si l'on part du principe que le GPU embarqué, c'est le moteur graphique, tourne à plein régime en termes de fréquence, la puce choisie peut en effet délivrer une puissance brute montant jusqu'à environ 11 gigaflops, là où une 3DS culmine à 4,8 gigaflops et où une Wii atteint les 12 gigaflops. Plusieurs explications sont disponibles, sont possibles à ça, la plus probable étant qu'il est peut-être difficile de trouver moins puissant que ce genre de solution a déjà daté, même sur les marchés des solutions ARM low cost. Comme les Raspberry Pi, entre autres, avec une architecture qui rappelle celle d'une carte Banana Pi. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de voir que cette NES Classic Mini exploite une architecture RAM, ce qui sera aussi, en passant, le cas de la Switch, avec, ça c'est la prochaine console de Nintendo, la Switch avec son SoC Nvidia Tegra personnalisé. Dans une certaine mesure, cette expérience permet peut-être déjà à Nintendo de préparer le terrain à l'émulation de potentiels jeux rétro pour une future console virtuelle sur sa future console Nintendo Switch. En passant, si vous avez envie d'en entendre plus parler de la Nintendo Switch, écoutez le Mathieu Plancheau la semaine prochaine, parce que Samuel Girard nous prépare une chronique spéciale à ce sujet. Et parlant de rétro et parlant de Nintendo, c'est vraiment cool. Nintendo ramène la Nintendo Power Line pour une seule fin de semaine. Vraiment très cool. Donc pour marquer la sortie de la NES classique, la toute petite NES qui vient avec 30 jeux, comme on disait, Nintendo va rouvrir la Power Line pour une durée limitée à partir du 11 jusqu'au 13 novembre. Donc en fin de semaine, ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent le mercredi et le jeudi, mais pas pour les gens qui nous écoutent le mardi. parce que ça va être passé. Mais donc, du 11 au 13 novembre, vous allez pouvoir vous prendre votre gros téléphone maison et appeler. Bon, peut-être pas le vieux numéro parce qu'il fonctionnera pas, là, mais un nouveau numéro pour avoir des conseils sur les jeux qui viennent sur la NES classique. C'est pas génial. Donc, en jouant à un des 30 jeux sur la NES classique, vous allez pouvoir, par exemple, demander où est-ce que je trouve le premier Warp Whistle dans Mario Bros. 3. Hein? Donc, il faut appeler la Powerline entre le 11 et 13 novembre, entre 6h du matin et 19h. Ça, c'est heure du Pacifique. Donc, dans l'Est, c'est 9h du matin à 22h, heure de l'Est. La Powerline, qui était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un service des années 80, qui vous connectait à des Nintendo Gameplay Counselors, qui vous offrait des conseils, des cues, des tips, des trucs comme ça. Donc, il faut composer aux États-Unis, bien sûr, le 425-885-7529. Vous pouvez le faire via Skype aussi aux États-Unis, donc du Canada aux États-Unis, du Québec aux États-Unis. 425-885-7529 pour entendre des trucs. Malheureusement, ils sont préenregistrés. Là, on n'a pas payé des employés pour faire ça quand même. Donc, voilà. Il y a aussi des petites histoires prémontées de la part de conseillers chez Nintendo, des Nintendo Gameplay Counselors, qui vous donnent des petits faits intéressants. C'est quand même vraiment le fun, une très bonne idée de la part de Nintendo et leur Powerline. Voilà pour le segment Geek Scenix qu'on a fait en deux parties aujourd'hui. Allons-y avec une pièce de chiptune, bien sûr, pour l'entendre J-Ster. Voici Voyage à deux petits points Andromeda. MPS, le Mathieu Planchon. Et restez là parce que tantôt, ce sera la série musicale World 1-2. C'est ça? 1-2? Ouais. We'll be right back. êtes à CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Hype par l'artiste Jar. Et justement, c'était Voyage Andromeda par Jester au Mathieu Plante Show. Très bon bloc, très accrocheur. Maintenant, c'est le moment de passer à notre série musicale. Comme on aime le faire quand on a le temps à l'émission, c'est-à-dire les semaines où Samuel Gérard n'est pas là. On l'écoute depuis quelques semaines. World One Two, un album avec des compositeurs renommés de jeux vidéo et des remixeurs qui le rendent hommage, avec la musique originale de Austin Wintory, nominé aux Grammy Awards pour Journey, Manami Matsumi de Mega Man, et des remixeurs célébrés comme Stimage et Delmon Cannon, qui a travaillé sur Metroid Metal parmi d'autres projets. Donc World One Two, c'est un projet musical réalisé et produit par Mohamed Taher de chez Koopa Soundworks. C'est un album collaboratif avec de jeunes musiciens indépendants et des super vedettes compositeurs de l'industrie des jeux vidéo, avec un mélange de création originale et de remix rempli de nostalgie. Toute l'argent, la monnaie générée de cet album-là va aller vers de nouveaux projets par Koopa Soundworks. Donc l'album s'appelle World One Two. On était rendu à la moitié de l'album. On va donc entendre les pièces 10, 11 et 12 pour l'instant. Plus tard, il y aura l'artiste Halsey et Akira Yamaoka. Mais commençons par Danimal Cannon, que je viens de mentionner, avec Legacy featuring Zef. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show. We'll be right back. Akira Yamaoka avec Rose Cat, précédé de Halsey avec Blooper Reeling de Super Mario World, et on a débuté avec Daniel Karen avec Legacy featuring Zephali, pièces 10, 11 et 12 de la compilation World 1-2 par Brave Wave via GameChop. Allez retrouver le lien sur assemblagerequis.com. On continuera la série la prochaine fois, probablement dans 2 semaines. Il y en a 20 en tout, donc il nous reste un petit peu. Beaucoup quand même, pas si pire. Mais pour l'instant, ben, ça va être la fin du Mathieu Plante Show. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 ainsi qu'au Pamara Sifu les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur sif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est la Mathieu Plante. Vous avez été planté. On se quitte avec une pièce de Neon Death Cat, please don't panic. S'il vous plaît, ne paniquez pas, tout le monde. Et à la semaine prochaine, bye.